Examen critique, sous le point de vue catholique, du voyage en Orient de Monsieur de Lamartine. Annales de philosophie chrétienne numéro 60 du 30 juin 1835. Erreur de Monsieur de Lamartine sur la première origine des hommes, sur la filiation des peuples, sur la raison et l'instinct, sur la volonté de Jésus, sur la prière, sur le célibat ecclésiastique, sur les religieux, sur le mahométisme et la tolérance des Turcs. Et d'abord, c'est un point reconnu à peu près par toutes les personnes élevées au-dessus des études vulgaires, et qui ont un peu secoué la poussière de leur école, que le berceau du genre humain n'a pas été dans les forêts, et que nos ancêtres ne vivaient pas parmi les bêtes, qu'il y a eu d'abord une première révélation de Dieu, faite à tous les hommes, que tous les hommes ont connue, et que le paganisme ne fut qu'une corruption plus ou moins profonde de la religion primitive, enfin que nos croyances et le christianisme même remontent jusqu'au commencement des temps. Or, voyez comment Monsieur de Lamartine ne se doute pas même de tout cela. Il est en Grèce, et il parle ainsi de la religion des Grecs. La religion des Grecs, religion de l'esprit et de l'imagination, et non du cœur, ne fait pas sur moi la moindre impression. On sait que ces dieux du peuple n'étaient que le jeu de la poésie et de l'art, des dieux faits rêver, rien de grave, rien de réel, rien de puisé dans les profondeurs de la nature et de l'âme humaine avant Socrate et Platon. Là commence la religion de la raison, puis vient le christianisme, etc. Tome 1 page 139, édition Gosselin 1845. Ailleurs, il revient encore sur cette croyance, et il formule son erreur en ces termes. Si l'homme faisait, pensait, croyait, ce que faisaient et croyaient ses pères, le genre humain tout entier en serait au fétichisme et à l'esclavage. Tome 2, page 322. On conçoit qu'en partant de ce principe, il est dû se trouver bientôt et logiquement fort loin du catholicisme. Mais ce n'est pas la seule erreur qu'il émet sur les premiers temps de l'histoire de l'homme. Nous allons le voir confondre ce qu'il a pu entendre dire sur les découvertes faites dans les histoires orientales, et hasarder des assertions tranchantes sur des questions que les hommes capables n'abordent qu'avec une extrême circonspection. La clé de tout est aux Indes, dit-il, la génération des pensées et des arts me semble remonter là. Elles ont enfanté la Syrie, la Chaldée, la Mésopotamie, la Syrie, les grandes villes du désert, comme Baalbek, puis l'Égypte, puis les îles, comme Crète et Chypre, puis l'Étrurie, puis Rome, puis la nuit est venue, et le christianisme, couvé d'abord par la philosophie platonicienne, ensuite par la barbare ignorance du Moyen-Âge, a enfanté notre civilisation et nos arts modernes. Puis Monsieur de Lamartine assure que la presse amènera invinciblement l'âge de raison pour l'humanité, la révélation à tout par tous. Il esquisse ensuite, à sa manière, une histoire de l'esprit divin dans les différentes phases de l'humanité. Cette histoire est curieuse. Suivant lui, cet esprit divin a agi dans les premiers temps connus de l'humanité, par les instincts et les impulsions aveugles, puis par la voix des poètes, enfin par la bouche des législateurs, des initiations théocratiques, indiennes, égyptienne, hébraïque. Ensuite, il représente cet esprit divin disséminé dans les écoles philosophiques de la Grèce, de l'Asie mineure et de l'Italie, jusqu'au moment où le christianisme a résumé toute vérité en ces deux grandes vérités pratiques et incontestables. Adoration d'un Dieu unique, charité et fraternité entre les hommes. Puis il ajoute, le christianisme, obscurci et mêlé d'erreurs, comme toute doctrine populaire, par la crédulité des siècles qu'il a traversés, paraît destiné à se transformer lui-même, à sortir plus rationnel et plus pur des mystères surabondants dont on l'a enveloppé, et à confondre ses divines clartés avec celles de la religion raison, qu'il a fait éclore le premier, et élevé si haut sur l'horizon de l'humanité, tome 2, page 252 et suivante. Or, Monsieur de Lamartine se trompe complètement en tout ceci, et nous fournit la preuve qu'il n'a étudié que superficiellement toutes ces questions. Car il est de fait, d'abord, que l'homme n'a pas passé par l'état de nature, et par conséquent que l'esprit divin n'a pas commencé à agir par instinct, mais par voie de parole et de commandement. Ensuite, c'est encore une assertion téméraire et fausse, que d'avancer que la clé de tout est aux Indes. Quelques Allemands du commencement de ce siècle l'avaient dit, mais il s'en faut de beaucoup que ce soit une chose convenue. Avant l'Inde apparaisse l'Égypte, peut-être, mais à coup sûr les Assyriens, les Chaldéens, les Nabatéens. C'est de que l'Inde a reçu sa population et sa civilisation. Aussi toutes les assertions antichrétiennes qu'il émet après, tombent d'elles-mêmes. Note. Voir sur cette question un excellent mémoire de M. Schlegel, sur la civilisation et la race indienne, inséré dans les numéros de janvier et février 1855 de la Bibliothèque universelle de Genève. Nous nous proposons d'en donner prochainement une analyse, fin de la note. Puisque nous avons parlé ici, pour la première fois, de cette religion raison qu'il a rêvé, il sera utile, avant de traiter cette question, et seulement sous le rapport philosophique, d'examiner ce qu'il entend par raison. Car il ne faudrait pas que ceux qui sont partisans de cette raison logique qu'on nous a apprise dans nos livres classiques, crussent que c'est de cette raison qu'il s'agit, et qu'ils sont du sentiment de Monsieur de Lamartine. Certes, il se tromperait fort. Monsieur de Lamartine n'est d'aucune école. Il s'en est créé une, ou plutôt il trébuche contre toutes. Voici, en effet, une partie de sa théorie sur la raison, qu'il confond complètement avec l'instinct. On se demande, dit-il, qu'est-ce que l'instinct? Et l'on reconnaît que c'est la raison suprême. Mais la raison innée, la raison non raisonnée, la raison telle que Dieu l'a faite, et non pas telle que l'homme la trouve. Elle nous frappe comme l'éclair. Sans que l'œil ait de la peine à la chercher, elle illumine tout du premier jet. Tome 1 page 65. Ailleurs, il répète encore que la raison, c'est la loi innée. Tome 1 page 73. Mais il ne faudrait pas croire par là que ce fût une loi donnée à tous les hommes, comme on l'entend communément. Car il vous dira que tous n'ont pas cette loi, et que c'est là une faveur qui lui est particulière. Mon esprit, dit-il, est de ceux qui portent en eux un instinct de lumière, une évidence irréfléchie, qui ne se prouve pas, mais qui ne trompe pas, et qui console. Tome 1 page 77. Que si vous ne vous montrez pas très pénétré de ces raisons, et ne voulez pas bâtir votre croyance sur une si fragile autorité, il vous apprendra que ce qu'il voit, dans les instincts de son imagination, est plus sûr que la science et la logique. L'imagination de l'homme, dit-il sérieusement, est plus vraie qu'on ne le pense. Elle ne bâtit pas toujours avec des rêves, mais elle procède par des assimilations instinctives de choses et d'images, qui lui donnent des résultats plus sûrs et plus évidents que la science et la logique, tome 2, page 144. Enfin, pour prouver sans doute que cet instinct est un terme générique, qu'il emploie selon tous les goûts et dans toutes les circonstances, il se hasardera à vous apprendre que lorsque Jésus sut ascendre au jardin des olives, c'est qu'il y eut lutte entre la volonté et l'instinct, entre l'âme qui veut s'affranchir, et la matière qui résiste parce qu'elle est aveugle, tome 2, page 245. Il est vrai, d'ailleurs, que si Monsieur de Lamartine ravale ici la nature humaine et divine jusqu'à l'instinct des animaux, d'autre part il accorde à ceux-ci et à toute la nature les plus belles prérogatives de l'humanité, telles, par exemple, que la pensée. Toute la nature est animée, dit-il avec assurance, toute la nature sent et pense. Celui qui ne le voit pas n'a jamais réfléchi à l'intarissable fécondité de la pensée créatrice. Elle n'a pas dû, elle n'a pas pu s'arrêter. L'infini est peuplé, et partout est la vie, là aussi est le sentiment. Et la pensée a des degrés inégaux sans doute, mais sans vide. Tome 1, page 58, ailleurs, à propos du bruit de la mer, il dit, cette alternation régulière du flot, du vent dans la voile, se retrouve dans tous les mouvements, dans tous les bruits de la nature. Est-ce qu'elle ne respirerait pas aussi? Oui, sans aucun doute, elle respire, elle vit, elle pense, elle souffre et jouit, elle sent, elle adore son divin auteur. Tome 1 page 50. C'est ainsi qu'en attribuant la pensée à la matière, il va jusqu'à ôter à Dieu la liberté de la création, et à se faire, sans y songer, à peu près panthéiste. Ailleurs, il confondra absolument la fatalité avec la providence. Il vous dira que ces deux mots différents n'expriment qu'une même pensée. Tome 2, page 124. Les chrétiens prient parce que Dieu leur a appris à prier, et ils espèrent dans la prière parce que Dieu leur a promis de les exaucer. Monsieur de Lamartine ne connaît aucune de ces idées chrétiennes. Le besoin qui pousse l'homme à respirer, dit-il, lui prouve seul que l'air est nécessaire à sa vie. L'instinct de la prière prouve aussi à l'âme l'efficacité de la prière, tome 1 page 31. Ainsi ce sont nos instincts qui prouvent la volonté de Dieu, et cette volonté se conforme à ses instincts. Telle est la philosophie de Monsieur de Lamartine. Qu'on nous dise s'il est au courant de nos études. Non, Monsieur de Lamartine a beau vouloir faire le progressif, il ne se montrera jamais un homme intelligent de ce siècle, quand il viendra nous parler encore contre le célibat ecclésiastique, et contre la vie de prière que mènent les religieux. Tome 2, page 148. Note. Nous pouvons opposer aux déclamations surannées de Monsieur de Lamartine, contre le célibat des prêtres, les pensées neuves de Monsieur Michelet, sur cette question, voir le numéro 58 des Annales, ci-dessus, page 281 à 287. Fin de la note. Il ne voudrait d'autres religieux que ceux qui s'occupent de soigner les malades et d'instruire les enfants. Tome 3, page 7. Mais quoi donc? Faut-il que nous lui apprenions qu'il est un grand nombre de cœurs brisés et d'esprits bouleversés et vagabonds, pour lesquels la tranquillité, la régularité, la fixité, la monotonie du cloître, sont un besoin, une nécessité? Il nous demandera à quoi sert cette prière du cloître? Nous lui répondrons, mais vous n'avez donc jamais connu ce que tout chrétien qui a eu une jeunesse un peu chrétienne, appelle être en la présence de Dieu, jouir de cet état inexprimable qui consiste à parler à Dieu de ses peines, et à se sentir consolé? Pour ne pas interrompre nos réflexions sur le déisme, dont nous aurons principalement à nous occuper, nous placerons encore ici nos reproches sur la manière dont Monsieur de Lamartine parle du mahométisme, et de la préférence qu'il semble lui donner sur le christianisme. Ainsi il vous dira qu'il n'est pas de peuple plus tolérant que les Turcs, qu'il n'est pas de peuple plus religieux, dans la vraie acception de ce mot, tome 2 page 187 et tome 3 page 22. Plus adonné à la prière, tome 3 page 331. Il va jusqu'à préférer d'être enseveli au milieu de plutôt que dans nos sépultures chrétiennes, Tome 3, page 303. On dirait qu'il nous prend pour des ignorants, qui n'ont pas la moindre idée de ce que sont les mahométans et leur religion. Racontant la prise de Constantinople et l'entrée de Mahomet dans l'église de Sainte-Sophie, il nous dira qu'il y vint prier et adorer, sous une autre forme, le Dieu qu'on y adorait la veille. Tome 3, page 270. C'est ainsi qu'en toutes les circonstances il élève les mahométans au-dessus des chrétiens. Quant à leur aversion pour les lettres, au despotisme et à la cruauté des sultans, à la réclusion et à la pluralité des femmes, aux eunuques, aux esclaves, tout cela, il l'a vu à Constantinople. Mais il n'en parle pas, ou bien il n'a pas un seul mot de blâme. On dirait que le fatalisme musulman pèse sur son esprit et lui fait joindre les mains devant tout ce qu'il voit. En vérité, les mahométans lui doivent de la reconnaissance. Mais tout ceci n'a été dit que pour prouver combien l'esprit de Monsieur de Lamartine est peu philosophique. Ce n'est rien en comparaison des graves reproches que nous avons à lui faire sur la manière dont il idéalise et simplifie le christianisme, lequel ne serait plus qu'un déisme inconséquent. Markemdanarchive.org, 2018, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.